s'est arrêté, nos cœurs synchronisés. Je m'envolais, le sablier s'est brisé. Dans tes yeux que je m'évadais. Antalya et mon